La toute-puissance d'Oviedo Runtu. Je ne puis rien, moi, contre les ponches rouges ni contre les mamaconards. Vous avez entendu mon ministre de la guerre tout à l'heure. L'endroit où ces prêtres ou ces prêtresses passent, la maison qu'ils habitent, sont sacrés. Ils traînent avec eux des reliques et les stigmates de leur Atahualpa. Vous venez me dire qu'ils ont également, avec eux, vos deux enfants prisonniers. Rien ne me le prouve, et rien ne peut me le prouver, attendu que cette preuve, il m'est impossible, il m'est défendu d'aller la chercher. Eh bien, cependant, jamais avec vous que ce soit l'horrible vérité. Raisonnez avec moi. Qui est-ce qui garde vos enfants? Vous me répondez, vos soldats. C'est faux. Moi, je ne suis pour rien dans tout cela. Qui les a mis là? C'est Oviedo Runtu. Ce sont les soldats d'Oviedo Runtu. Qui est-ce qu'Oviedo Runtu? Vous l'avez sans doute rencontré, Alima. Vous avez peut-être eu affaire à lui. Vous vous dites, c'est un commis de la banque franco-belge. Moi, je réponds oui, oui et non. C'est un commis de banque, mais c'est aussi celui auquel obéissent actuellement tous les Indiens Quichua, civils et militaires. C'est extraordinaire, mais c'est ainsi. Cet Indien se fait habiller chez un tailleur à la mode de Lima. Ce Quichua a appris à lire, à écrire, à compter. Il s'est contraint à gagner sa vie comme un humble employé, mais en somme à faire un métier de civilisé. Pendant ce temps, il a vécu chez nous, avec nous, s'est mêlé à nos affaires, à nos mœurs, nous a étudiés, s'est rendu compte du mécanisme de nos institutions financières, base de tout bon gouvernement et sa force. Il gagne 200 sols par mois derrière un comptoir, et il est peut-être roi. Je n'en sais rien, mais c'est bien possible. En tout cas, il a rêvé la régénération de sa race et le bouleversement du Pérou à son profit. Tous les chefs Quichua et Aymaras sont ses serviteurs. Huascar, que vous avez eu chez vous, est son bras droit. Au moment où moi je soulevais la province d'Arequipa pour mon compte, Huascar est venu me trouver de la part d'Oviedo Runtu et m'a offert son alliance. Et je n'ai pas pu la refuser. Et je marche main dans la main avec Oviedo Runtu, parce que je ne puis pas faire autrement. M'avez-vous compris maintenant, monsieur le marquis? Ce n'est pas moi qui vous gêne dans cette affaire, c'est Oviedo Runtu. Vous le trouvez devant vous comme je l'ai trouvé devant moi. Et je le regrette pour vous, croyez-le bien, autant que pour moi. C'est lui, en effet, qui a tout conduit, qui a préparé le rapt de ma fille et qui l'a exécuté avec les ponches rouges. Vous voyez bien, ne faites donc pas retomber le poids d'une affaire aussi abominable sur la tête d'un homme qui arrivait de mettre le Pérou à la tête des nations civilisées de l'Amérique du Sud. Momentanément, j'ai les mains liées par cet homme, mais on s'expliquera, et je vous prie de croire que j'aurai le dernier mot, car au fond, malgré son complet veston de chez Arat, c'est un sauvage. Sauvage, il commande à ses sauvages, et avec des moyens naturellement destinés à frapper leur imagination. L'interreimi, dont nous entendons ordinairement si peu parler, dans nos milieux, a été préparé cette année d'une façon exceptionnelle. Oviedo a pu promettre à ses congénères une belle proie, une belle victime. Avec les mœurs de nos Quichua, de nos Incas, car il ne faut pas nous le dissimuler, nous avons toujours affaire aux Incas, tout est possible. Ce qui est possible aussi, c'est qu'il aime votre fille et qu'il s'en soit emparé de force pour lui tout seul. Écoutez-moi, je vous prie, j'examine toutes les hypothèses et je conclus en vous répétant « Quelle que soit l'hypothèse, je ne puis rien pour vous, rien que de vous donner un conseil. Ces ponches rouges, nous ne pouvons pas les combattre, mais vous, vous pouvez les séduire. Ce sont des Quichua, on les a tous avec de l'argent. Achetez-les, et voilà pourquoi je vous ai demandé, avez-vous de l'argent ?»« Non, je n'en ai pas !» répondit le marquis, qui avait écouté ardemment la parole rapide du dictateur. « Je suis parti à la hâte, je n'ai plus d'argent. »« Eh bien, moi, monsieur, j'en ai !» Et il siffla d'une certaine manière. Aussitôt la porte s'ouvrit, et le ministre des Finances se présenta. « Où est le trésor de guerre ?» demanda Garcia. « Sous le lit, » répondit l'autre. Et il se jeta à genoux pour tirer à lui une valise de bois cerclée de fer qu'il traîna devant la table où Garcia était assis. « Eh bien, va-t'en, qu'est-ce que tu attends ?» Quand ils furent seuls, le général sortit une petite clé de son portefeuille, ouvrit la valise et en tira une liasse de billets de banque qu'il jeta sur la table. Puis il traîna lui-même cette fois le trésor de guerre jusque sous le lit, et l'ayant repoussé d'un dernier coup de pied, il prit la liasse sur la table, la donna au marquis et lui dit Prenez, vous les compterez et vous me les rendrez quand je serai président à Lima. Il y a là de quoi blanchir tous les ponches rouges, croyez-moi. Ce sont des petites images dont ces messieurs connaissent la valeur. Et c'est peut-être bien Oviedo Runtu lui-même qui la leur a apprise. Adieu, monsieur, et bonne chance. Excellence, s'écria le marquis en redonnant son titre à cet homme qu'il venait de traiter d'assassin. Je vous ne remercie pas, mais si je réussis... Oui, oui, je sais, vos biens, votre vie m'appartiennent. Excellence, encore un mot. Je vais essayer également de séduire vos soldats qui gardent la maison avec les ponches rouges. Séduisez, séduisez. Et si je ne réussis pas, Excellence, je vous avertis que, si faibles soyons-nous, et si sûrs que nous puissions être d'avance de notre défaite et de notre mort, nous allons attaquer, mes amis et moi, les prêtres du soleil et leur escorte. Je puis compter sur votre neutralité. Mais comment donc ? S'écria Garcia Bonenfant. Et si par hasard vous faites un peu bobo à l'Oviedo, en descendant du Huayna-Capac, vous savez, je ne vous ferai pas passer devant un conseil de guerre. Ils se serrèrent les mains, et le marquis se sauva. Il n'avait pas passé le seuil que Garcia haussa les épaules. « Sa fille est perdue, dit-il. Mais je l'ai achetée, lui. L'imbécile, tout ça ne serait pas arrivé s'il me l'avait donnée en mariage. » Le marquis avait retrouvé Natividad qui l'attendait, très anxieux, au pied de l'escalier d'honneur, qu'il avait descendu un peu vite sous la poussée de l'extraordinaire Garcia. Dans la rue, ils rencontrèrent Raymond qui venait les chercher. Pour que Raymond eût abandonné son poste d'observation, il fallait que quelque chose de très grave se fût passé. Le jeune homme était pâle, très agité. « Qu'y a-t-il ? » lui cria le marquis. Raymond lui dit « Venez vite, nous retournons à l'auberge. Il est temps de prendre un parti sérieux, un parti désespéré, mais il faut faire quelque chose. Je meurs. Qu'a dit Garcia ? » ?»« Qu'il ne pouvait rien pour nous, mais il m'a donné un conseil et de l'argent, et peut-être tout n'est-il pas perdu. » « Mais pourquoi avez-vous quitté votre poste d'observation, vous ? Qu'est-il arrivé ? Ils sont toujours là. » « Oui, un seul être est sorti de la maison gardée par les ponches. Huascar. Je l'ai suivi. J'étais décidé à profiter du premier endroit, un peu solitaire, pour avoir avec lui une explication définitive. Je voulais lui demander de nous rendre Marie-Thérèse ou le tuer comme un chien. Mais il a pris tout de suite par la grand cale, est arrivé sur la place et, à ma stupéfaction, a pénétré dans notre auberge. Il ne m'avait pas vu, j'ai pu me dissimuler sous la voûte pendant qu'il se tenait dans le cabaret, et j'ai entendu qu'il demandait au patron à parler au marquis de la Torre. Celui-ci lui répondit que vous étiez absent pour le moment et que vous deviez être allé chez le général dictateur, car en sortant vous aviez demandé l'adresse du palais du gouvernement. Sur quoi, Vascar a demandé si vous deviez revenir. L'aubergiste a répondu que vous reviendriez certainement. Alors Huascar a dit « J'attendrai » et je viens vous prévenir qu'il attend. « Ils sont sauvés !» s'écria le marquis, dont la mine s'éclairait au fur et à mesure que parlait Raymond. « Ils sont certainement sauvés. Car que voudrait me dire Huascar ? Pourquoi viendrait-il me parler s'il n'avait pas l'intention de sauver mes enfants ?»« C'est ce que je me suis dit tout d'abord, » répliqua Raymond. « Mais je l'ai examiné à la dérobée et cet homme m'a l'air bien sombre. Il me fait peur depuis que je le connais du reste. Il me fait peur. » « N'oublions pas que nous avons affaire à un fanatique et qu'il a à se venger de Marie-Thérèse. » La marquise, qui était la bonté même, l'a sauvée de la plus affreuse misère. « Je ne peux pas croire qu'il l'ait oubliée, » dit précipitamment Cristobal, qui avait hâté le pas. « J'ai été bien étonné de le voir dans cette affaire, mais mon intime pensée a toujours été qu'il se trouvait mêlé malgré lui et que peut-être il n'y prenait part que dans le but de sauver Marie-Thérèse. » C'est certainement lui qui m'a envoyé ou fait envoyer l'avertissement que j'ai trouvé, trop tard hélas, à mon cercle. Puissiez-vous dire vrai, monsieur, répliqua Raymond, qui était loin de partager la confiance du marquis. Mais puisqu'il est venu à nous, ne le quittons pas que nous n'ayons percé son dessein. Et je vous jure que je suis prêt à l'égorger comme un mouton s'il ne répond pas comme il convient à nos questions. N'oublions pas, Raymond, qu'ils ont des otages. Des otages qu'ils massacreront, même si nous épargnons Huascar. Ah, monsieur, j'ai hâte de me battre, j'ai hâte de tuer, je voudrais mourir. Et moi, je voudrais bien sauver mes enfants, monsieur. Cela fut dit d'un ton si glacé que Raymond en eut froid au cœur. Il ne prononça plus une parole jusqu'à l'auberge. Comme ils y arrivaient, Natividad aperçut sous la voûte, collée contre le mur, se dissimulant, ou plutôt croyant qu'il se dissimulait derrière une charrette, et regardant avec une étrange fixité ce qui se passait dans le cabaret où se trouvait toujours Huascar, une bien singulière figure. C'était un grand vieillard, sec, décharné, dont la carcasse tremblante s'appuyait sur un bâton de berger. Un manteau en loques flottait sur ses épaules. Des mèches de cheveux blancs descendaient le long d'un visage effroyablement pâle, aux yeux décolorés. Natividad s'était arrêtée et considérait ce spectre en se demandant « Mais où ai-je donc vu cette figure-là? Cette figure ne m'est pas inconnue. » Le marquis avait passé rapidement en disant à Raymond « Allez trouver Huascar, dites-lui que je l'attends dans notre chambre et amenez-le-moi. » L'escalier qu'il fallait prendre pour monter au premier étage avait sa première marche sous la voûte. Le marquis, en y posant le pied, vit Natividad arrêtée et regardant l'homme dont nous venons de faire la description. Alors il fixa l'homme à son tour, fut frappé de cette physionomie fantomatique et, tout en continuant de gravir les marches, se demanda lui aussi « Mais où ai-je vu ce spectre? Ce n'est pas la première fois que je le rencontre. »